Regardez-moi. Regardez ce qu'il reste. Pas des ruines. Des témoins. Vous avez survécu. Alors vous êtes mes frères. Mes flammes. Mon acier. Je ne suis pas né pour fuir. Je suis né pour m'élever. Et si je tombe, ce sera frappant encore. Bien ce serment, je ne dormirai plus tant qu'il respire. Je ne parlerai plus tant que le sol ne tremblera pas. Je ne boirai plus tant que mes ennemis n'auront pas soif de peur. Ils pensaient nous briser, qu'ils viennent, ils ne trouveront que des armes, des cris et nos corps debout. Riders Kill, marche. Riders Kill. Riders Kill, reste. Vous êtes mes témoins et vous serez mes lames. À partir d'aujourd'hui, chaque souffle est un appel. Chaque pas est un ordre. Chaque regard est une menace. Le sable nous enterre pas, il nous élève et nous frappons depuis les hauteurs. Ce monde est à nous. Par droit, mais par décision. Nous allons prendre chaque forteresse, chaque plaine, chaque souterrain. Et quand ils lèveront les yeux, ils verront quoi? Mon nom va dans notre feu. Riders Kill. Riders Kill. Riders Kill. Je vous le jure sur les morts, sur les cendres, sur le silence et sur le cri à venir. La prochaine attaque sera la dernière pour eux et le début de tout pour nous. Fremen. Riders Kill. Sang, feu, feu, victoire.